Le château des Carpates de Jules Verne 1892 Chapitre 1 Cette histoire n'est pas fantastique, elle n'est que romanesque. Faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie, étant donné son invraisemblance? Ce serait une erreur. Nous sommes d'un temps où tout arrive. On a presque le droit de dire où tout est arrivé. Si notre récit n'est point vraisemblable aujourd'hui, il peut l'être demain grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l'avenir, et personne ne s'aviserait de le mettre au rang des légendes. D'ailleurs, il ne se crée plus de légendes au déclin de ce pratique et positif XIXe siècle, ni en Bretagne, la contrée des farouches Corrigans, ni en Écosse, la terre des Brownies et des Gnomes, ni en Norvège, la patrie des Ases, des Elfes, des Sylphes et des Valkyries, ni même en Transylvanie, où le cadre des Carpates se prête si naturellement à toutes les évocations psychagogiques. Cependant, il convient de noter que le pays transylvain est encore très attaché aux superstitions des premiers âges. Ces provinces de l'extrême Europe, M. de Gérando les a décrites, Élisée Reclus les a visitées. Tous deux n'ont rien dit de la curieuse histoire sur laquelle repose ce roman. En ont-ils eu connaissance? Peut-être, mais ils n'auront point voulu y ajouter foi. C'est regrettable, car ils l'eussent raconté, l'un avec la précision d'un analyste, l'autre avec cette poésie instinctive dont sont empreintes ces relations de voyage. Puisque ni l'un ni l'autre ne l'ont fait, je vais essayer de le faire pour eux. Le 29 mai de cette année-là, un berger surveillait son troupeau à la lisière d'un plateau verdoyant, au pied du Retiezat, qui domine une vallée fertile, boisée d'arbres à tiges droites, enrichie de belles cultures. Ce plateau élevé, découvert, sans abri, les galernes qui sont les vents de nord-ouest le rasent pendant l'hiver comme avec un rasoir de barbier. On dit alors dans le pays qu'il se fait la barbe, et parfois de très près. Ce berger n'avait rien d'arcadien dans son accoutrement, ni de bucolique dans son attitude. Ce n'était pas Daphnis, Amyntas, Tityre, Lycidas ou Mélibée. Le lignon ne murmurait point à ses pieds en sabotés de gros socs de bois. C'était là Sylvalac, dont les eaux fraîches et pastorales eussent été dignes de couler à travers les méandres du roman de l'Astrée. Frick, Frick du village de Werst, ainsi se nommait ce rustique pâtour, aussi mal tenu de sa personne que ses bêtes, bon à loger dans cette sordide crapaudière bâtie à l'entrée du village, où ses moutons et ses porcs vivaient dans une révoltante prouacrerie, seul mot emprunté de la vieille langue qui convient aux pouilleuses bergeries du comitat. L'Imanum Pecus paissait donc sous la conduite du Diffric, Imanior Ipse. Couché sur un tertre matelassé d'herbe, il dormait d'un œil, veillant de l'autre, sa grosse pipe à sa bouche, parfois sifflant ses chiens, lorsque quelques brebis s'éloignaient du pâturage, ou donnant un coup de bouquin que répercutaient les échos multiples de la montagne. Il était 4 heures après-midi. Le soleil commençait à décliner. Quelques sommets dont les bases se noyaient d'une brume flottante s'éclairaient dans l'est. Vers le sud-ouest, deux brisures de la chaîne laissaient passer un oblique faisceau de rayons, comme un jet lumineux qui filtre par une porte entr'ouverte. Ce système orographique appartenait à la portion la plus sauvage de la Transylvanie, comprise sous la dénomination de Comitat de Klausenburg ou Kolozsvár. Curieux fragment de l'Empire d'Autriche, cette Transylvanie, l'Erdelie en magyar, c'est-à-dire le pays des forêts. Elle est limitée par la Hongrie au nord, la Valachie au sud, la Moldavie à l'ouest. Étendue sur 60 000 km², soit 6 millions d'hectares, à peu près le 1/9 de la France, c'est une sorte de Suisse, mais de moitié plus vaste que le domaine helvétique sans être plus peuplée. Avec ses plateaux livrés à la culture, ses luxuriants pâturages, ses vallées capricieusement dessinées, ses cimes sourcilleuses, la Transylvanie, zébrée par les ramifications d'origine plutonique des Carpates, est sillonnée de nombreux cours d'eau qui vont grossir la Tesse, et ce superbe Danube, dont les portes de fer à quelques milles au sud, ferment le défilé de la chaîne des Balkans sur la frontière de la Hongrie et de l'Empire ottoman. Tel est cet ancien pays d'Édas, conquis par Trajan au 1er siècle de l'ère chrétienne. L'indépendance dont il jouissait sous Jean Zapoli et ses successeurs jusqu'en 1699 prit fin avec Léopold Ier qu'il annexa à l'Autriche. Mais quelle qu'ait été sa constitution politique, il est resté le commun habitat de diverses races qui s'y coudoient sans se fusionner. Les Valaques ou Roumains, les Hongrois, les Tziganes, les Seclaires, d'origine moldave, et aussi les Saxons que le temps et les circonstances finiront par magyariser au profit de l'unité transylvaine. À quel type se raccordait le berger Efric? Était-ce un descendant dégénéré des anciens Daces? Il eût été malaisé de se prononcer, avoir sa chevelure en désordre, sa face mâchurée, sa barbe en broussailles, ses sourcils épais comme deux brosses à crin rougeâtres, ses yeux pairs entre le vert et le bleu, et dont le larmier humide était circonscrit du cercle sénile. C'est qu'il est âgé de 65 ans. Il y a lieu de le croire, du moins. Mais il est grand, sec, droit sous son saillon jaunâtre moins poilu que sa poitrine, et un peintre ne dédaignerait pas d'en saisir la silhouette lorsque, coiffé d'un chapeau de sparterie, vrai bouchon de paille, il s'accote sur son bâton à bec de corbin aussi immobile qu'un roc. Au moment où les rayons pénétraient à travers la brisure de l'ouest, Frick se retourna. Puis, de sa main à demi fermée, il se fit un porte-vue, comme il en eût fait un porte-voix pour être entendu au loin, et il regarda très attentivement. Dans l'éclaircie de l'horizon, à un bon mille, mais très amoindri par l'éloignement, se profilaient les formes d'un bourg. Cet antique château occupait sur une croupe isolée du col de Vulcan la partie supérieure d'un plateau appelé le plateau d'Orgal. Sous le jeu d'une éclatante lumière, son relief se détachait crûment, avec cette netteté que présentent les vues stéréoscopiques. Néanmoins, il fallait que l'œil du pâtour fût doué d'une grande puissance de vision pour distinguer quelques détails de cette masse lointaine. Soudain, le voilà qui s'écrie en hochant la tête. « vieux bourg, tu as beau te carrer sur ta base. Encore 3 ans et tu auras cessé d'exister, puisque ton être n'a plus que 3 branches. » Ce être, planté à l'extrémité de l'un des bastions du bourg, s'appliquait en noir sur le fond du ciel comme une fine découpure de papier, et c'est à peine s'il eût été visible pour tout autre que Frick à cette distance. Quant à l'explication de ces paroles du berger, qui était provoquée par une légende relative au château, elle sera donnée en son temps. « Oui, répéta-t-il, 3 branches. Il y en avait 4 hier, mais la 4e est tombée cette nuit. Il n'en reste que le moignon. Je n'en compte plus que 3 à l'enfourchure. Plus que 3, vieux bourg, plus que 3. » Lorsqu'on prend un berger par son côté idéal, l'imagination en fait volontiers un être rêveur et contemplatif. Il s'entretient avec les planètes, il confère avec les étoiles, il lit dans le ciel. Au vrai, c'est généralement une brute ignorante et bouchée. Pourtant, la crédulité publique lui attribue aisément le don du surnaturel. Il possède des maléfices. Suivant son humeur, il conjure les sorts ou les jette aux gens et aux bêtes. Ce qui est tout un dans ce cas. Il vend des poudres sympathiques. On lui achète des filtres et des formules. Ne va-t-il pas jusqu'à rendre les sillons stériles en y lançant des pierres enchantées et les brebis infécondes rien qu'en les regardant de l'œil gauche? Ces superstitions sont de tous les temps et de tous les pays. Même au milieu des campagnes plus civilisées, on ne passe pas devant un berger sans lui adresser quelques paroles amicales, quelques bonjours significatifs, en le saluant du nom de pasteur auquel il tient. Un coup de chapeau, cela permet d'échapper aux malignes influences, et sur les chemins de la Transylvanie, on ne s'y épargne pas plus qu'ailleurs. Frick était regardé comme un sorcier, un évocateur d'apparitions fantastiques. À entendre celui-ci, les vampires et les striges lui obéissaient. À en croire celui-là, on le rencontrait au déclin de la lune, par les nuits sombres, comme on voit en d'autres contrées le grand bissexte, achevalé sur la vanne des moulins, causant avec les loups ou rêvant aux étoiles. Frick laissait dire, y trouvant profit. Il vendait des charmes et des contre-charmes. Mais observation à noter, il était lui-même aussi crédule que sa clientèle, et s'il ne croyait pas à ses propres sortilèges, du moins ajoutait-il foi aux légendes qui couraient le pays. On ne s'étonnera donc pas qu'il eût tiré ce pronostic relatif à la disparition prochaine de Vieux-Bourg, puisque le hêtre était réduit à trois branches, ni qu'il eût hâte d'emporter la nouvelle à Werst. Après avoir rassemblé son troupeau en beuglant à plein poumon, à travers un long bouquin de bois blanc, Frick reprit le chemin du village. Ses chiens le suivaient, harcelant les bêtes, deux demi-griffons bâtards, hargneux et féroces, qui semblaient plutôt propres à dévorer des moutons qu'à les garder. Il y avait là une centaine de béliers et de brebis, dont une douzaine d'antennais de première année, le reste en animaux de troisième et de quatrième année, soit de quatre et de six dents. Ce troupeau appartenait au juge de Werst, le bureau Koltz, lequel payait à la commune un gros droit de brébiage, et qui appréciait fort son pâtour Frick, le sachant très habile à la tonte et très entendu au traitement des maladies, muguet, affilé, avertin, douve, encaussement, phalaire, clavelé, piétin, rabuse et autres affections d'origine pécuaire. Le troupeau marchait en masse compacte, le sonnailler devant, et près de lui la brebis birane, faisant tinter leur clarine au milieu des bêlements. Au sortir de la pâture, Frick prit un large sentier, bordant de vastes champs. Là ondulaient les magnifiques épis d'un blé très haut sur tige, très long de chaume. Là s'étendaient quelques plantations de ce cucurutz, qui est le maïs du pays. Le chemin conduisait à la lisière d'une forêt de pins et de sapins, au-dessous frais et sombres. Plus bas, la Sille promenait son cours lumineux, filtré par le caillotis du fond, et sur lequel flottaient des billes de bois débitées par les scieries de l'amont. Chiens et troupeaux s'arrêtèrent sur la rive droite de la rivière et se mirent à boire avidement au ras de la berge en remuant le fouillis des roseaux. Werst n'était plus qu'à trois portées de fusil, au-delà d'une épaisse saulaie formée de francs arbres et non de ces têtards rabougris qui touffent à quelques pieds au-dessus de leurs racines. Cette saulaie se développait jusqu'aux pentes du col de Vulcan, dont le village, qui porte ce nom, occupe une saillie sur le versant méridional des massifs du Plaisat. La campagne était déserte à cette heure. C'est seulement à la nuit tombante que les gens de culture regagnent leur foyer, et Frick n'avait pu, chemin faisant, échanger le bonjour traditionnel. Son troupeau désaltéré, il allait s'engager entre les plis de la vallée, lorsqu'un homme apparut, au tournant de la Sille, une cinquantaine de pas en aval. Hé, l'ami ! Cria-t-il au pâtour. C'était un de ces forains qui courent les marchés du comitat. On les rencontre dans les villes, dans les bourgades, jusque dans les plus modestes villages. Se faire comprendre n'est point pour les embarrasser. Ils parlent toutes les langues. Celui-ci était-il italien, saxon ou valaque ? Personne n'eût pu le dire. Mais il était juif. Juif polonais, grand, maigre, nez busqué, barbe en pointe, front bombé, yeux très vifs. Ce colporteur vendait des lunettes, des thermomètres, des baromètres et de petites horloges. Ce qui n'était pas renfermé dans la balle, assujetti par de fortes bretelles sur les épaules, lui pendait au cou et à la ceinture. Un véritable brelan digné, quelque chose comme un étalagiste ambulant. Probablement ce juif avait le respect et peut-être la crainte salutaire qu'inspirent les bergers. Aussi salua-t-il Frick de la main, puis, dans cette langue roumaine qui est formée du latin et du slave, il dit avec un accent étranger. « Cela va-t-il comme vous voulez, l'ami ?»« Oui, suivant le temps, » répondit Frick. « Alors, vous allez bien aujourd'hui car il fait beau. » et j'irai mal demain, car il pleuvra. » « Il pleuvra ? » s'écria le colporteur. « Il pleut donc sans nuages dans votre pays ? » ?»« Les nuages viendront cette nuit, et de là-bas, du mauvais côté de la montagne. » « À quoi voyez-vous cela ? » ?»« À la laine de mes moutons, qui est rêche et sèche comme un cuir tanné. » Alors ce sera tant pis pour ceux qui arpentent les grandes routes. Et tant mieux pour ceux qui seront restés sur la porte de leur maison. Encore faut-il posséder une maison, pasteur. Avez-vous des enfants ? Dit Frick. Non. Êtes-vous marié ? Non. Et Frick demandait cela parce que dans le pays, c'est l'habitude de le demander à ceux que l'on rencontre. Puis il reprit. D'où venez-vous, colporteur ? D'Hermannstadt. Hermannstadt est une des principales bourgades de la Transylvanie. En la quittant, on trouve la vallée de la Sile hongroise qui descend jusqu'au bourg de Petroszeny. Et vous allez ? À Kolozsvár. Pour arriver à Kolozsvár, il suffit de remonter dans la direction de la vallée du Maros, puis, par Karlsburg, en suivant les premières assises des monts de Bihar, on atteint la capitale du comitat. Un chemin d'une vingtaine de milles, au plus. En vérité, ces marchands de thermomètres, baromètres et patraques évoquent toujours l'idée d'être à part, d'une allure quelque peu hoffmanesque. Cela tient à leur métier. Ils vendent le temps sous toutes ses formes, celui qui s'écoule, celui qu'il fait, celui qu'il fera, comme d'autres porte-balles vendent des paniers, des tricots ou des cotonnades. On dirait qu'ils sont les commis voyageurs de la maison Saturne et compagnie à l'enseigne du sablier d'or. Et sans doute ce fut l'effet que le juif produisit sur Frick, lequel regardait, non sans étonnement, cet étalage d'objets nouveaux pour lui, dont il ne connaissait pas la destination. « Hé, colporteur, demanda-t-il en allongeant le bras, à quoi sert ce bric-à-brac qui cliquait à votre ceinture comme les os d'un vieux pendu ?» « Ça, c'est des choses de valeur, » répondit le forain, « des choses utiles à tout le monde. »« À tout le monde ?» s'écria Frick en clignant de l'œil. « Même à des bergers ?»« Même à des bergers. » »« Et cette mécanique ?»« Cette mécanique, » répondit le juif en faisant sautiller un thermomètre entre ses mains, « elle vous apprend s'il fait chaud ou s'il fait froid. »« Hé, l'ami, je le sais de reste, quand je suis sous mon saillon ou quand je grelotte sous ma houppelande. » Évidemment, cela devait suffire à un pâtour qui ne s'inquiétait guère des pourquoi de la science. Et cette grosse patraque avec son aiguille, reprit-il en désignant un baromètre anéroïde. Ce n'est point une patraque, c'est un instrument qui vous dit s'il fera beau demain ou s'il pleuvra. Vrai ? Vrai. Bon, répliqua Fritz, je n'en voudrais point, quand ça ne coûterait qu'un kreutzer. Rien qu'à voir les nuages traîner dans la montagne, ou courir au-dessus des plus hauts pics. Est-ce que je ne sais pas le temps 24 heures à l'avance? Tenez, vous voyez cette brumaille qui semble sourdre du sol? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est de l'eau pour demain. En réalité, le berger Frick, grand observateur du temps, pouvait se passer d'un baromètre. Je ne vous demanderai pas s'il vous faut une horloge, reprit le colporteur. Une horloge? J'en ai une qui marche toute seule et qui se balance sur ma tête. C'est le soleil de là-haut. Voyez-vous, l'ami, lorsqu'il s'arrête sur la pointe du Roduc, c'est qu'il est midi. Et lorsqu'il regarde à travers le trou des Gueltes, c'est qu'il est 6 heures. Mes moutons le savent aussi bien que moi, mes chiens comme mes moutons. Gardez donc vos patraques. Allons, répondit le colporteur, si je n'avais pas d'autres clients que les pâtours, j'aurais de la peine à faire fortune. Ainsi, vous n'avez besoin de rien ? Pas même de rien. Du reste, toute cette marchandise à bas prix était de fabrication très médiocre. Les baromètres ne s'accordant pas sur le variable ou le beau fixe, les aiguilles des horloges marquant des heures trop longues ou des minutes trop courtes, enfin de la pure camelote. Le berger s'en doutait peut-être et n'inclinait guère à se poser en acheteur. Toutefois, au moment où il allait reprendre son bâton, le voilà qui secoue une sorte de tube suspendu à la bretelle du colporteur en disant « À quoi sert ce tuyau que vous avez là ?»« Ce tuyau n'est pas un tuyau. »« Est-ce donc un gueulard ?» Et le berger entendait par là une sorte de vieux pistolet à canon évasé. « Non, dit le juif, c'est une lunette. »« C'était une de ces lunettes communes qui grossissent 5 à 6 fois les objets ou les rapprochent d'autant, ce qui produit le même résultat. Frick avait détaché l'instrument. Il le regardait, il le maniait, il le retournait bout pour bout, il en faisait glisser l'un sur l'autre les cylindres. Puis, hochant la tête, « Une lunette ?» dit-il. « Oui, pasteur, une fameuse encore, et qui vous allonge joliment la vue. Oh, j'ai de bons yeux, l'ami. Quand le temps est clair, j'aperçois les dernières roches jusqu'à la tête du Retiezat et les derniers arbres au fond du défilé du Vulcan. Sans cligner ? Sans cligner. C'est la rosée qui me vaut ça, lorsque je dors du soir au matin à la belle étoile. Voilà qui vous nettoie proprement la prunelle. Quoi, la rosée ? Répondit le colporteur. Elle rendrait plutôt aveugle. Pas les bergers. Soit, mais si vous avez de bons yeux, les miens sont encore meilleurs lorsque je les mets au bout de ma lunette. Ce serait à voir. Voyez en y mettant les vôtres. Moi ? Essayez. Ça ne me coûtera rien ? Demanda Frick, très méfiant de sa nature. Rien, à moins que vous ne vous décidiez à m'acheter la mécanique. Bien rassuré à cet égard, Frick prit la lunette dont les tubes furent ajustés par le colporteur. Puis, ayant fermé l'œil gauche, il appliqua l'oculaire à son œil droit. Tout d'abord, il regarda dans la direction du col de Vulcan, en remontant vers le Plaza. Cela fait, il abaissa l'instrument et le braqua vers le village de Werst. Hé, hé, dit-il, c'est pourtant vrai, ça porte plus loin que mes yeux. Voici la grande rue, je reconnais les gens. Tiens, Nic Deck, le forestier, qui revient de sa tournée, le havresac au dos, le fusil sur l'épaule. Quand je vous disais, fit observer le colporteur. Oui, oui, c'est bien Nick, reprit le berger. Et quelle est la fille qui sort de la maison de Maître Colts, en jupe rouge et en corsage noir, comme pour aller au-devant de lui? Regardez, pasteur, vous reconnaîtrez la fille aussi bien que le garçon. Eh oui, c'est Myriota, la belle Myriota. Ah, les amoureux, cette fois ils n'ont qu'à se tenir, car moi je les tiens au bout de mon tuyau, et je ne perds pas une de leurs mignasses. Que dites-vous de ma machine ? Eh eh, qu'elle fait voir au loin ! Pour que Frick en fût à n'avoir jamais auparavant regardé à travers une lunette, il fallait que le village de Werst méritât d'être rangé parmi les plus arriérés du comitat de Klausenburg. Et cela était, on le verra bientôt. « Allons, pasteur, reprit le forain, visez encore, et plus loin que Werst, le village est trop près de nous. Visez au-delà, bien au-delà, vous dis-je. Et ça ne me coûtera pas davantage ? Pas davantage. Bon, je cherche du côté de la Cille hongroise. Oui, voilà le clocher de Livadzel. Je le reconnais à sa croix qui est manchote d'un bras. Et au-delà, dans la vallée, entre les sapins, j'aperçois le clocher de Petrosény, avec son coq de fer blanc dont le bec est ouvert comme s'il allait appeler ses poulettes. Et là-bas, cette tour qui pointe au milieu des arbres, ce doit être la tour de Petria. Mais j'y pense, colporteur, attendez donc, puisque c'est toujours le même prix. Toujours, pasteur. Frick venait de se tourner vers le plateau d'Orgal. Puis, du bout de sa lunette, il suivait le rideau des forêts assombries sur les pentes du Plaza, et le champ de l'objectif encadra la lointaine silhouette du bourg. « Oui, s'écria-t-il, la quatrième branche est à terre, j'avais bien vu, et personne n'ira la ramasser pour en faire une belle flambaison de la Saint-Jean. Non, personne, pas même moi, ce serait risquer son corps et son âme. Mais ne vous mettez point en peine, il y a quelqu'un qui saura bien la fourrer cette nuit, au milieu de son feu d'enfer. C'est le Chor. » Le Chor, ainsi s'appelle le diable, quand il est évoqué dans les conversations du pays. Peut-être le juif allait-il demander l'explication de ces paroles incompréhensibles pour qui n'était pas du village de Werst ou des environs, lorsque Frick s'écria d'une voix où l'effroi se mêlait à la surprise. « Qu'est-ce donc cette brume qui s'échappe du donjon ? Est-ce une brume ? Non, on dirait une fumée. Ce n'est pas possible. Depuis des années et des années, les cheminées du bourg ne fument plus. Si vous voyez de la fumée là-bas, pasteur, c'est qu'il y a de la fumée. Non, colporteur, non. C'est le verre de votre machine qui se brouille. Essuyez-le, et quand je le suirai, Fritz retourna sa lunette et après en avoir frotté les verres avec sa manche, il la remit à son œil. C'était bien une fumée qui se déroulait à la pointe du donjon. Elle montait droit dans l'air calme et son panache se confondait avec les hautes vapeurs. Frick, immobile, ne parlait plus. Toute son attention se concentrait sur le bourg que l'ombre ascendante commençait à gagner au niveau du plateau d'Orgal. Soudain, il rabaissa la lunette et portant la main au bissac qui pendait sous son saillon. « Combien votre tuyau ? » demanda-t-il. « 1 florin et demi, » répondit le colporteur. Et il aurait cédé sa lunette même au prix 1 florin, pour peu que Frick eût manifesté l'intention de la marchander. Mais le berger ne broncha pas. Visiblement sous l'empire d'une stupéfaction aussi brusque qu'inexplicable, il plongea la main au fond de son bissac et en retira l'argent. « C'est pour votre compte que vous achetez cette lunette ?» demanda le colporteur. « Non, pour mon maître, le juge Koltz. »« Alors il vous remboursera ?»« Oui, les 2 florins qu'elle me coûte. »« Comment les 2 florins ?»« Eh, sans doute. Là-dessus, bonsoir l'ami. »« Bonsoir, pasteur. » Et Frick, sifflant ses chiens, poussant son troupeau, remonta rapidement dans la direction de Wurst. Le juif, le regardant s'en aller, hocha la tête comme s'il avait eu affaire à quelque fou. « Si j'avais su, murmura-t-il, je la lui aurais vendue plus cher, ma lunette. » Puis, quand il eut rajusté son étalage à sa ceinture et sur ses épaules, il prit la direction de Karlsburg en redescendant la rive droite de la Sille. Où allait-il? Peu importe, il ne fait que passer dans ce récit, on ne le reverra plus.